Chapitre 2. Ce n'était pas une petite besogne que d'aller à Compton Bassett par un temps chaud. Il fallait traverser plus d'un champ dépourvu d'ombrage et gravir finalement une ruelle si mal pavée qu'un baudet y aurait estropié ses sabots. Arrivé au bout de ce voyage, Mrs. Compton était tellement épuisée qu'il lui fallut s'asseoir sous le berceau de chèvrefeuille qui ombrageait l'entrée de la maison pour s'éventer et reprendre haleine avant de se présenter. Tandis qu'elle était là, assise, une petite fille de 8 à 9 ans sortit de la propriété et lui demanda très poliment ce qu'elle désirait. « Je voudrais voir Miss Betsy, » dit Mrs. Compton. « Bien, madame, » répliqua l'enfant. « Tenez, la voici là-bas, au fond de la longue allée. » « Eh bien, afin qu'elle ne soit pas surprise, allez en avant, je vous prie, la prévenir que sa sœur, Mrs. Compton, désire lui rendre visite. » L'enfant fit ce qu'on lui commandait. Elle s'en alla, gambadant légèrement le long d'une belle allée sablée, proprement tenue, qui conduisait au bosquet dans lequel se tenait Miss Betsy. Mrs. Compton la suivait d'un pas calme et, en dépit du profond mépris qu'elle manifestait constamment pour celle qu'elle nommait cette petite horreur, elle s'arrêta quelques pas du bosquet, attendant le retour de l'enfant. L'intervalle ne fut pas de longue durée. Sa petite messagère reparut, lui fit signe d'entrer, et se mit à courir vers la maison. Mrs. Compton, qui eût préféré qu'elle restât, la suivit un instant du regard, puis, rassemblant tout son courage pour affronter les manières originales de ce vilain petit corps, elle s'avança. Quelques pas l'amenèrent devant le bosquet de Miss Betsy. La tranquille et heureuse héritière était là, assise sur un banc, qui, tout en pouvant contenir 2 personnes, avait plutôt l'aspect d'un fauteuil confortable. Sur une petite table, devant elle, reposait le roman nouveau de l'année dernière. La mise de Miss Betsy était toujours absolument aussi propre et aussi convenable que celle d'une quaqueresse. Ce jour-là, nul chapeau ne cachait le plissé régulier de son bonnet de mousseline blanche, qui, entourant parfaitement son visage pâle et intelligent, lui seyait si bien que la visiteuse murmura, au fond de son cœur, « Elle sait très bien s'habiller, cette sale petite créature toute tordue. Nous allons bien voir si elle a assez de générosité pour mettre ses nièces à même d'en faire la moitié autant. Je vous souhaite le bonjour, sœur Betsy. » Ce fut ainsi qu'elle commença l'entretien difficile pour lequel elle était venue. « Vous avez une mine charmante aujourd'hui, avec votre beau bonnet. Et votre joli bosquet, votre livre, votre fauteuil, tout cela a l'air si confortable, si bien arrangé. Ah, bonté du ciel! Personne, excepté celles qui ont essayé du mariage, ne sait à quel point l'état de célibataire est préférable. Auriez-vous fait tout le chemin de Silverton ici pour me dire cela, Mrs. Compton? Dit la dame du bosquet, montrant du doigt un tabouret qui se trouvait près de l'entrée. Pourquoi pas, Miss Betsy? Cependant, non. Je ne puis dire que je sois venu exprès pour cela, répliqua Mrs. Compton en s'asseyant. Je viens chargé d'une commission nullement agréable, je vous assure. Je viens vous parler des difficultés pécuniaires qu'éprouve votre pauvre frère. Et le pire de la chose, c'est que je ne suis nullement persuadé que vous vouliez en prendre souci. Comment pourrais-je le croire, sœur Betsy, puisque voici des mois que vous n'êtes pas venu nous voir? Si vous étiez plus sociable, cela nous ferait pourtant bien plaisir. Vous êtes en vérité bien obligeante, Mrs. Compton, mais à vous parler franchement, le jour où je suis chez mon frère, je soupçonne qu'il veut faire un meilleur dîner que le jour où je n'y suis pas. Et si tous les cancans qu'on fait sur ce que vous devez au boucher sont vrais, cela ne me paraît guère à propos. Mes filles et moi aussi serions heureuses de vous voir plus souvent, sœur Betsy. Pourquoi donc ne venez-vous pas? Je n'en sais rien, je vous assure, répliqua gaiement Miss Betsy, si ce n'est que j'aime mieux rester chez moi. Tant pis pour nous, sœur Betsy. Si vous étiez venue, vous auriez vu par vous-même ce que je viens maintenant vous dire. Le pauvre Josiah se trouve extrêmement gêné. Et quoique généralement nous supportions toutes nos misères avec une philosophie remarquable, elle fonde sur nous en ce moment d'une manière vraiment cruelle. Est-il vrai, Mrs. Compton? Mais vous n'avez pas encore tourné la tête pour regarder mes abeilles. Pour ma part, il m'arrive de les guetter pendant 1 heure entière. Si mon livre n'est pas trop intéressant. Quelle petite créature soigneuse! Il est juste 3 heures. En disant cela, elle se levait pour regarder un cadran solaire qui brillait au milieu d'un parterre de gazon. 3 heures passées. Et les voilà qui commencent déjà à revenir chez elles avec leur besogne faite. Mrs. Compton se sentit déroutée, comme disent les Français. Mais elle se remit et revint à la charge. « Vous êtes une heureuse femme, sœur Betsy, » dit-elle. « Vous n'avez d'autre souci que vos livres et vos abeilles. »« Je suis très heureuse, c'est vrai, » répliqua la célibataire avec un accent qui doublait la valeur des mots. « Et mes abeilles aussi sont heureuses, car il fait un temps superbe. On peut presque voir les fleurs pousser, elles sont si belles ici. » « Mais je désirerais vous parler, sœur Betsy, à propos de nos tourments. Vous ne pouvez comprendre à quel point je m'éreinte pour que mes pauvres filles aient l'air de quelque chose. Il ne se passe pas un samedi soir que je ne veille jusqu'à minuit pour donner à leurs affaires un air décent le dimanche. Faites-vous cela, Mrs. Compton. On m'avait dit qu'elles portaient des nœuds roses à leur chapeau dimanche dernier et des nœuds verts le dimanche d'avant. Mais je ne savais pas que vous veillassiez pour les changer. Les changer, Dieu vous garde. Je voudrais bien que ce fût là tout ce que j'ai eu à faire. Il a fallu les laver, ces rubans roses, puis les plonger dans une teinture rose, puis les frotter jusqu'à ce qu'ils soient devenus à peu près secs. Mes pauvres bras en étaient presque arrachés. Et puis les repasser, les recoudre à la cantille, et enfin refaire les nœuds. Je vous laisse à juger combien de temps j'ai eu à donner au sommeil. Mais pourquoi les jeunes personnes ne frottent-elles pas leurs rubans elles-mêmes? Demanda Miss Betsy. « Oh, ceci, c'est complètement impossible, sœur Betsy. » Ainsi, samedi soir, elles étaient à une soirée de musique chez le colonel Williamson, et Sophie était la principale chanteuse. Sophie et cet élégant jeune homme, Willoughby, chantent toujours ensemble, et les meilleurs connaisseurs de Silverton disent qu'à Londres même, on ne peut rien entendre de mieux. « Oh, mais voilà qui est charmant, Mrs. Compton. » Et il est bien évident qu'elle ne peut pas frotter ses rubans pendant qu'elle chante. Tout en disant ces paroles, les yeux de Miss Betsy se tournaient comme malgré eux, ce qui leur était arrivé souvent depuis le commencement de la conversation, vers le volume qui était resté ouvert sur la petite table. Miss Compton fut prise de désespoir. Elle se leva, s'approcha de la table, et par un acte hardi, elle ferma le livre. « Sur ma parole, vous entendrez ce que j'ai à vous dire, sœur Betsy, et vous laisserez la lecture de côté pour une minute, car il s'agit de l'honneur de votre famille. »« De l'honneur de ma famille ?» dit la vieille femme d'un ton un peu alarmé, tout en s'occupant de rechercher l'endroit où elle en était, et d'y mettre une marque. « J'espère, Mrs. Compton, que vous n'avez rien de grave à me communiquer au sujet des jeunes personnes. »« Rien que de bon, sœur Betsy. Si vous voulez seulement nous tendre une main secourable, une fois par hasard. Vous semblez être au courant de toutes les nouvelles. Vous devez donc, je suppose, avoir entendu dire que le premier bataillon du régiment de X doit partir pour Plymouth le 17. » et que le second bataillon doit entrer à Silverton le même jour. Les colonels ont décidé qu'un bal et un déjeuner seraient donnés le 16 aux habitants par les officiers du premier bataillon. Figurez-vous maintenant nos filles invitées à une fête pareille, sans avoir une toilette à mettre. Dites-moi vite ce que vous pensez de cela, sœur Betsy. N'ayant jamais eu beaucoup d'expérience en pareille matière, Mrs. Compton, je suis réellement fort embarrassé pour deviner ce que vos jeunes filles peuvent avoir à faire dans un cas semblable. Ne pensez-vous pas qu'il serait tout naturel, sœur Betsy, de se tourner vers quelques bons parents généreux et riches, et de lui demander de nous tirer d'un tel embarras? Ne pensez-vous pas, sœur Betsy, que ceci serait tout naturel? Oui, très naturel, en vérité, Mrs. Compton. Dieu soit béni. Alors tous nos tourments sont finis. Chère sœur Betsy, soyez bénie. 10 livres seront très suffisantes pour nous tous, et par-dessus le marché, j'achèterai une paire de bas de soie noire neuf pour Josiah, dans le cas où lui aussi voudrait y aller. » Miss Betsy ne fit aucune réponse, mais tirant légèrement la table à elle, elle ouvrit son livre et recommença à lire. « J'ai une longue route à faire, ma sœur, » reprit Mrs. Compton. « Je serais bien désireuse de rentrer chez moi. Ainsi, voudriez-vous avoir la bonté de me donner l'argent tout de suite ?»« Vous dites, madame ?» dit Miss Betsy, levant les yeux avec la physionomie la plus innocente. « N'importe quelle somme il vous plaira de nous accorder, sœur Betsy, je vous demande, je vous supplie, de me la donner immédiatement. »« C'est bien ce que je ferai, Mrs. Compton. »« Sans un instant de délai, » répliqua Miss Betsy, du ton de l'humeur la plus enjouée, « si j'avais l'intention de vous donner le moindre argent. »« Oh, mais ceci est traître. Ceci est de la cruauté pure. » s'écria la matrone au paroxysme de l'excitation en se tordant les mains. « N'avez-vous pas dit que ce serait la chose la plus naturelle du monde de s'adresser à un parent riche dans un moment comme celui-ci ? » « Mais je n'ai jamais dit qu'il me parût naturel qu'on s'adresse à moi, Mrs. Compton. » votre réponse le laissait croire. Si vous ne le disiez pas, et vous ne pouvez le nier, il faut avoir bien mauvais cœur vraiment pour tromper ainsi mon attente. C'est vous qui avez bien autrement mauvais cœur, Mrs. Compton, pour oser dire que je suis riche. Je suis un pauvre petit être tout tordu comme la corde d'un bélier, vous le savez bien. Et j'ai besoin du pauvre petit confort dont mon bon père m'a pourvu. Vous, Mrs. Compton, vous avez été une beauté, et vos filles sont des beautés. Ceci doit être fort agréable d'être une beauté. Mais, en me refusant cette bénédiction, Dieu m'a accordé un père tendre, qui a pris soin de me donner de quoi vivre convenablement sans amoureux. Et je n'irai pas contre les voies de la Providence, ni contre la volonté de mon père pour vous habiller, vous et vos filles, dans le but de plaire à des officiers. Ainsi, Mrs. Compton, je crois que ce que vous avez de mieux à faire, c'est de retourner chez vous. Est-ce donc ainsi que vous traitez les enfants de votre propre frère, Miss Betsy? Ces pauvres filles qui sont là-bas, assises au milieu de toutes leurs friperies fanées et usées, songeant à la honte qu'elles vont infliger au nom de Compton, si leur tante Betsy ne vient pas à leur secours. Attendez une minute, Mrs. Compton. Je vais venir à leur secours de la meilleure manière qui soit en mon pouvoir. Asseyez-vous donc un petit moment. Il faut que j'aille dans ma chambre. Voudriez-vous me faire donner un verre de lait, sœur Betsy? Dit la visiteuse, reprenant confiance. J'ai la bouche comme du parchemin. La même petite fille qui lui avait servi d'introduction étant encore à la portée de la voix, Miss Betsy l'appela par son nom. « Allez trouver votre mère, Sally, et priez-la de prendre pour moi la valeur d'un sou de lait frais. Et tenez, ma chère, voici l'argent pour le payer. Ne le laissez pas tomber, Sally. »« Oh, mes sœurs, Betsy, je ne voulais pas vous faire faire la dépense d'un sou pour moi. Je croyais que de la rente que vous fait votre fermier, il vous était alloué du lait. En effet, c'est ainsi pour mon usage personnel. Mais vous, ce n'est pas moi, Mrs. Compton. Et je me fais un grand scrupule d'être juste. » Et exact en toute chose. Maintenant, je vais aller m'occuper de ce que je vous ai promis. Environ 10 minutes après, la petite femme revenait avec quelque chose dans sa main qui avait l'air d'être une lettre cachetée. Veuillez remettre ceci à mes nièces, Mrs. Compton, avec mes meilleurs vœux pour leur bonheur. Et maintenant, s'il vous plaît, je vous souhaiterai le bonjour, car je suis un peu fatigué d'avoir parlé. N'ouvrez pas cette lettre. Donnez-la à vos filles, toutes cachetées. Bonjour, Mrs. Compton. Et Miss Betsy, reprenant soigneusement le bol vide que sa visiteuse avait mis à sec, retourna vers sa maison, laissant sa belle-sœur se préparer à reprendre le chemin de son foyer, dans la condition pénible d'une personne balancée entre l'espoir et la crainte. Néanmoins, elle obéit à l'ordre qu'elle avait reçu et remit la lettre, non ouverte, entre les mains de sa fille Martha. Dans la véhémence de l'impatience qu'elle éprouvait à connaître ce que cette lettre pouvait contenir, la jeune personne la déchira en 2 morceaux. Mais Miss Sophia, qui était d'une nature plus douce, ramassa tranquillement les parties détachées et les ayant placées avec soin à côté l'une de l'autre sur la table, lut ce qui suit. Ma nièce Martha et ma nièce Sophia, votre mère me dit que vous avez l'esprit vivement troublé par le désir de vous faire des toilettes pour paraître à une fête ou à un bal que des officiers vont donner. Elle ajoute que toutes vos robes de bal sont sales. Je crois donc devoir venir vous conseiller fortement de ne point les porter tant qu'elles n'auront pas été nettoyées. Non, sous aucun prétexte. Car le proverbe qui dit « la propreté vaut presque autant que la sainteté » n'est pas à dédaigner. Votre mère me parle aussi d'ornements fanés que vous seriez obligé de mettre pour cette occasion, ce qui serait encore plus laid, la fête ayant lieu en plein jour. Son opinion, qui est aussi la mienne, est donc en agissant ainsi, vous vous exposeriez aux remarques de vos voisines, toutes plus riches, plus soignées et mieux mises que vous. Par cette raison, mon avis est, et je serais heureuse qu'il puisse vous être de quelque utilité, que vous évitiez une aussi désobligeante aventure en restant à la maison. Je suis votre tante, Elizabeth Compton. L'effet que devait produire une lettre comme celle-ci sur des femmes placées dans la situation de Mrs. Compton et de ses filles est trop facile à deviner pour nécessiter aucune description. Mais la résolution qu'elle inspira à Miss Martha, étant un peu plus en dehors de la voie commune, le chapitre suivant sera consacré à la raconter.